بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس السادس وثمانين كاتخوان سيزيام كي لسون دون لو ليف كي توش او غزوات او باتاي وفات صلى الله عليه وسلم قال حفظ الله تعالى في السؤال الرابع والتسعين بعد خمسمائة سيسا كاتخوان كاتورزيام كيستيون متى كانت غزوة احد كونت اسكو لا باتاي دو احد اتل او ليو الا او ليو la troisième année de la Hijra. Car comme vous savez, le calendrier des muslimines se base à partir de la Hijra et non pas de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais à partir de la Hijra, comme cela a été décrété par Omar lors de son khalifa. ثم قال في السؤال الخامس والتسعين بعد خمسمية قال في السؤال الخامس وتسعين بعد خمسمائة في ما هي العزوة التي جرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم وشج رأسه وكسرت رباعيته quelle est la bataille lors de laquelle le Nabi صلى الله عليه وسلم a été blessé qu'il a été frappé à la tête et dont l'une des incisives a été cassée. Il s'agit justement de Azwat al-Uhud. C'était à Uhud. Comme dans le hadith de Anas, apporté par Muslim, Qara'a, Kusirat raba'ayatuhu yom Uhud wa shujja fi rasihi. Qara'a fi sual al-sadis wa tisrin bat khamsamiya. Ça, c'est la 96e question. Kam kana adad des muslimin fi adad Uhud? Combien étaient-ils, ceux qui ont participé à cette bataille à Uhud? Ils étaient à peu près 1000 combattants. 1000 combattants. ثم قال في السؤال السابع والتسعين بعد خمسمائة سبعة وثمانين ستم كيستيون كم كان عدد المشركين في غزوة أحد؟ et maintenant combien était le nombre de leurs adversaires parmi les mouchrikin? ils étaient 3000 مقاتل ils étaient 3000 combattants bien plus que le double trois fois le nombre des musulmans. ثم قال في السؤال الثامن والتسعين بعد خمسمائة سبعة وثمانين ستم كيستيون من هو قائد الروما الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل Roma, Yom Uhud, qui était justement le chef des archers qui ont été placés sur la montagne des archers le jour de Uhud. Il s'agit de Abdullah ibn Jubayr. Abdullah ibn Jubayr. ثم قال في سؤال التاسع والتسعين بعد خمسمية 199e question. بماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الروما؟ Que leur a-t-il ordonné à ces archers? أمرهم ألا يبرحوا أماكنهم بأي حال من الأحوال. Il leur a ordonné de ne pas quitter leur poste, quelle que soit la situation, tant qu'ils ne reçoivent pas l'ordre de quitter leur poste. Car leur poste était stratégique, comme cela va être cité par la suite. Ce m'a parlé, fils Souel, et c'est Tumia, sixantième question. Ma'aza fa'ala, un Romain, Bardaza et les Kakontes, qu'ont fait les archers après cela. Lorsqu'ils ont vu que les Muslimoun avaient pris le dessus sur les Mushrikin, ils ont délaissé leur poste. Se sont eux accourus pour pouvoir avoir également d'une part du butin en criant Al Ghanima. Tous sont partis à part Abdullah ibn Jubayr et Seth qui était avec eux. Donc Abdullah ibn Jubayr qui était justement le chef de cette troupe, l'escadrille des archers, lui a resté fidèle à son poste et 7 autres hommes avec lui. Samaqala fi sual al-wahid bar satimiyya 60. La question 601e question. ماذا فعل خالد بن وليد عندما ترك الروما أماكنهم؟ Qu'est-ce que Khalid ibn Walid, qui à l'époque était encore mouchilik et qui était un grand guerrier très connu, comment a-t-il réagi lorsqu'il a vu justement que les archers ont quitté leur poste? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le tour par derrière Uhud afin de pouvoir les prendre par derrière. Et de là, il a tué Abdullah ibn Jubayr et les seuls qui étaient restés avec eux, avec lui plutôt. Et après, il a attaqué les musulmans par derrière. Donc le délaissement de ce poste a été une cause de la défaite des musulmans ce jour-là, à cause d'une désobéissance. Ce m'a parlé fils Soel, Fani Bar Setumia, 602e question. Kamada des Shohada, mine les musulmans, Firadot Uhud. Quel était le nombre de. Combien y a-t-il eu de Shohada, de martyrs parmi les musulmans ce jour-là? Il en a eu 70. Après, c'était le hadith de Al-Bura ibn Azib qui cite justement l'histoire. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a placé les archers, et qala in ra'aytumuna nahtatafuna at-tayr tahtatafuna at-tayr fala tabrahum makanakum hadha hatta ursila ilaykum وإن رميت وإذا رأيتمونا هزمنا القوم أو أوطناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. Donc le Nabi Salam, lorsqu'il les a placés, il leur a dit, si vous voyez même que les oiseaux qui nous prennent, qui nous happent, c'est-à-dire Mbalara pour dire vous voyez une chose extraordinaire, ne quittez pas votre poste tant qu'on ne vous donne pas l'ordre. Et si vous voyez même que nous avons le dessus sur les ennemis, d'accord, ne quittez pas votre poste tant que vous ne recevez pas l'ordre. Et de là, justement, le Nabi Sallam, voilà, ont combattu et ont eu la victoire sur les Mouchriquin, en partie à ce moment-là. Donc il a dit, yani, Bura ibn Azib, j'ai même vu les femmes lever leurs vêtements au point de faire apparaître les parties basses de leurs jambes pour courir. Ainsi que les partenaires de Abdullah ibn Jubayr, les archers, pour pouvoir avoir leur part de butin. Et Abdullah ibn Jubayr leur a bien dit, voyez, on a reçu l'ordre de ne pas bouger. Ils ont dit, wallah, on va y aller. C'est-à-dire pour toucher la part de butin. Et de là, il s'est passé ce qui a été cité par la suite, ou plutôt auparavant. D'accord. Et de là, justement, Khalid ibn Walid, il a vu la faille, donc il a saisi l'occasion pour pouvoir frapper les musulmans. Naam. Et dans le chef du hadith, il dit فَغَيْرَ إِثْنَيْنَ عَشَرَ رَجُلَنْ فَأَصَابُوا مِنَّا سَبْعِينَ. Il a dit que tous les gens ce jour-là sont tous accourus pour prendre la part de butin. Il ne restait que 12 hommes avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam auprès de lui. Et ce qui a coûté la vie à 70 par la suite. 70 hommes ont été tués lors de cette bataille. وَلَا الْمُسْتَعَانَ ثُمَا قَالَ فِي سُوَلْ أَثَارِثْ بَعْدْ سَلَفَمِيَا. 603e question. Manu Sayyid al-Shuhada, qui est le maître des martyrs. Il s'agit de Hamza ibn Abi Talib, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme dans le hadith Jabir, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'a dit Sayyid al-Shuhada, Hamza ibn Abi Talib, wa rajulun qama ila imam al-Jair, fa amarahum, fa nahum, fa qatalahum. Il a dit le chef des martyrs, c'est Hamza. Et également un homme qui sera. Qui aura voulu faire face ici un imam, c'est un gouverneur injuste, qui lui aura ordonné de faire une chose, c'est-à-dire qui était une désobéissance, il n'aura pas accepté de le faire, et il l'aura tué. C'est-à-dire que ce gouverneur aura tué cet homme-là, qui n'aura pas voulu obéir, ou plutôt que cet homme aura voulu, il y a un conseiller, blâmer ce gouverneur d'avoir fait cette chose-là. Et il se fait tuer par lui. Non. في هذا المعنى قال فأمره ونهاه سواء لو أردت دفع عن شوز كي دوي فير كي نا با فات أو لن تعدي دفع عن شوز كي دوي فير كي لا فولو فير كي دوي با فير في هذا المعنى تقريبا et selon sa présence. Et après il dit man waqatil hamza, qui est celui qui a tué Hamza? Et il s'agit de Wahshi ibn Harb, et cela avant qu'il ne se soumette à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un long hadith. D'accord, le long hadith qui cite l'histoire de Wahshi. Et là, on précise que, contrairement à ce qu'on a voulu vous faire croire, comme dans le film par exemple Le Messager, qui n'est pas du tout une référence islamique, que c'est Hind, la femme d'Abu Sofiane, qui a une part dans cela. Il n'y a aucune preuve de cela. Et encore moins qu'elle a mangé son foie. Il n'y a rien d'authentique par rapport à cela. D'accord ? Rien d'authentique par rapport à cela. Donc, le Wahshi a été ordonné par son maître, qui était à l'époque Jubayr ibn Mut'im. Qui lui a dit, si jamais tu tues Hamza, tu seras libéré. C'est-à-dire tu ne seras plus un esclave. Donc, le Wahshi l'a fait. Et il l'a tué. Durant Uhud. Puis, par la suite, il s'est soumis à Allah Azzawajal. Il s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce toi qui as tué Hamza? Il a dit, tu es au courant de ce qui s'est passé. Dans le sens qu'il reconnaissait. Il a dit, si tu peux éviter de montrer ton visage. Dans le sens où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était encore affecté par la main de son oncle. Et de là, Wahshi a obéi. Et par la suite, Wahshi a décidé de tuer Musaylama. Il a dit, ce sera en contrepartie pour rattraper mon erreur avec Hamza, de tuer Musaylama. Et il le tua. ثم قال في السؤال خامس بعد 600 605 question. من الصحابي الذي قاتل دون رسول يوم احد حتى شلت يده. Qui est le compagnon qui a combattu pour protéger le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le jour de Uhud à tel point qu'il se fit couper la main. Il a dit par un coup d'épée. Et c'est Talha ibn Ubaydillah, qui est également parmi les 10 promis au Jannah. Talha ibn Ubaydillah. Comme ce fut représenté dans le Sahih al-Bukhari, qui se tenait derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour le protéger, et il combattu jusqu'à ce qu'il se fasse couper la main. ثم قال ما هو الجبل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحبنا ونحبه كي لا montagne que le Nabi صلى الله عليه وسلم a dit que cette montagne nous aime et nous l'aimons. Il s'agit de Uhud, comme dans le hadith de Abu Humayd. قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال هذه طابة وهذا أحد جبل نحب يحبنا ونحبه. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم a dit cela à propos de Uhud. نعم. ثم قال في سؤال السابع بعد 600 question. من هو الصحابي الذي استشهد في أحد ولم تعرفه إلا أخته ببنانه. Qui est le compagnon qui a combattu le jour de Uhud, qui est mort en martyr, et dont le corps était méconnaissable pour tous, hormis pour sa sœur, qu'il a reconnue par ses phalanges. Tellement il a été mutilé. Il s'agit de Anas ibn Nadr. Comme dans le hadith de Anas, rapporté par Bukhari Muslim. Lorsqu'il dit justement Anas ibn Nadr, qui n'avait pas participé à Badr, et que cela l'avait affecté, il a dit au prophète que si Allah me permet de combattre les mouchikines une autre fois, Allah verra ce que je ferai. Et il a été véridique. Et lorsque c'était le jour de Uhud, il a foncé dans l'ennemi, il a dit Al-Jannah wa Rabb al-Ka'ba inni lajidu rihaha dun Uhud. Il dit je sens l'odeur du paradis de derrière Uhud. Donc il a foncé dans l'ennemi. Et après, par la suite, ils ont retrouvé son corps mutilé, avec plus de 80 coups de lance, ou d'épée, ou de flèche. C'est-à-dire les mouchlikoun l'ont mutilé exprès afin de le prendre en exemple pour les autres. D'accord ? Pour dissuader les autres. Et personne ne put reconnaître son corps, savoir qui il était, hormis sa sœur, en regardant, en le reconnaissant par une de ses phalanges. Dans la moustarane. Hadha alladhi akhadhna al-yawm fi hadha ad-dars. Fa alhamdulillah rabbil alamin.